Je vous dis franchement, les gens avaient peur de parler de cette manifestation. Même acheter les coupures de journaux, ils lisaient, il y avait des Paris Match, les gens lisaient, puis vite ils les détruisaient, ils voulaient pas les laisser ni chez eux ni rien du tout. Mais cette peur qui était instaurée, donc les gens ils parlaient à demi-mot, vous savez, c'est toujours à demi-mot. Tu sais pas un tel il est pas là, tu sais pas un tel il est pas revenu. C'était comme ça, c'était à demi-mot, parce qu'il y avait une peur, Je l'ai attendu à la maison. Je me disais, il va rentrer. Il n'y a rien. Le jour s'est levé. L'après-midi, la nouvelle s'est répandue. Mes amis sont venus. Elles essayaient de me rassurer. Ce n'est pas le seul, il est peut-être en prison. Mais il n'a pas réapparu. Aucune trace.